La Bible David Martin 1855. Le livre de Joël le prophète. Joël chapitre 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Ancien, écoutez ceci, et vous, tous les habitants du pays, prêtez l'oreille, est-il arrivé de votre temps, ou même du temps de vos pères, une chose comme celle-ci? Faites-en le récit à vos enfants, et que vos enfants le fassent à leurs enfants, et leurs enfants à une autre génération. La sauterelle a brouté les restes du hanneton, et le hurebec a brouté les restes de la sauterelle, et le vermisseau a brouté les restes du hurebec. Ivrogne, réveillez-vous, et pleurez, et vous tous, buveurs de vin, hurlez à cause du vin nouveau, parce qu'il est retranché à votre bouche. Car une nation puissante et innombrable est montée contre mon pays, c'est dans son dédant de lion, et elle allait dans ma chaulière d'un vieux lion. Elle a réduit ma vigne en désert, et a ôté l'écorce de mes figuiers, elle les a entièrement dépouillés, et les a abattus, leurs branches en sont devenues blanches. Lamente-toi comme une jeune femme qui se serait ceinte d'un sac, à cause de la mort du mari de sa jeunesse. Le gâteau et l'aspersion sont retranchés de la maison de l'Éternel, et les sacrificateurs qui font le service de l'Éternel mènent deuil. Les champs sont ravagés, la terre mène deuil, parce que le froment est ravagé, que le vin doit être tari, et que l'huile manque. Laboureurs, soyez confus, vignerons, hurlez à cause du froment et de l'orge, car la moisson des champs est périe. Les vignes sont sans fruits, et les figuiers ont manqué, les grenadiers et les palmiers, les pommiers et tous les arbres des champs ont séché, c'est pourquoi la joie a cessé entre les hommes. Sacrificateurs, saignez-vous, et lamentez, vous qui faites le service de l'autel, hurlez, vous qui faites le service de mon Dieu, entrez, passez la nuit vêtue de sacs, car il est défendu au gâteau, et à l'aspersion d'entrer en la maison de votre Dieu. Sanctifiez le jeûne, publiez l'assemblée solennelle, assemblez les anciens, et tous les habitants du pays, en la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel, en disant, hélas, quelle journée, car la journée de l'Éternel est proche, et elle viendra comme un dégât fait par le Tout-Puissant. Les vivres ne sont-ils pas retranchés de devant nos yeux, et la joie et l'allégresse de la maison de notre Dieu? Les grains sont pourris sous leurs mottes, les greniers sont désolés, c'en est fait des granges, parce que le froment a manqué. Oh, combien ont gémi les bêtes, et dans quelle peine ont été les troupeaux de bœufs, parce qu'ils n'ont point de pâturage. Aussi les troupeaux de brebis sont désolés. Éternel, je crierai à toi, car le feu a consumé les cabanes du désert, et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Même toutes les bêtes des champs crient à toi, parce que les cours des eaux sont taries, et que le feu a consumé les cabanes du désert.